الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نكونتينيون لسيري intitulé « Les étapes de l'au-delà ». Lors du cours dernier, nous avions entamé l'étape du jugement, al-hisab. On avait donné sa définition et l'on avait cité quelques actions ou les choses sur lesquelles nous serons questionnés et jugés le jour du jugement. Nous entamons aujourd'hui la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement. La première chose sur laquelle nous serons jugés et qui concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous est la prière, as-salah. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan. C'est un hadith authentique dans lequel Abu Huraira radiyallahu anhu dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatu » La première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour du jugement sera sa prière. « Fa'in saluhat faqad aflaha wa anjah » Si sa prière est bonne, alors il connaîtra la félicité et sera victorieux ce jour-là. Si la prière est bonne, c'est-à-dire s'il l'a accomplie de façon convenable, en respectant les piliers de la prière, en respectant les obligations de la prière, en respectant les conditions de la prière et tout ce qui fait en sorte que la prière soit valide et accomplie comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa in fasadat faqad khaba wa khasir » Et si au contraire cette prière est mauvaise, c'est-à-dire si la personne n'a pas accompli la prière ou l'a accomplie mais d'une façon mauvaise ou a accompli sa prière mais a vu celle-ci non acceptée et refusée par Allah subhanahu wa ta'ala « faqad khaba wa khasir » Alors, il connaîtra la perdition ce jour-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٍ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Et si ces prières obligatoires connaissent des manquements, alors Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges « Unzuru hal li'abdi min tatawwu' » Regardez si mon serviteur a accompli des prières surérogatoires afin de compléter le manque dans l'obligatoire. Puis il sera fait de même pour l'ensemble des autres actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ses anges « Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaisse parfaitement la situation de chacun de ses serviteurs. » La prière est donc la première action concrète sur laquelle nous serons questionnés. Et la félicité et notre réussite ce jour-là dépendra de cette prière. Dans ce hadith, il y a également la preuve et l'importance des prières surérogatoires. Les prières surérogatoires sont par définition un plus que fait le serviteur, des adorations supplémentaires qui ne lui sont pas rendues obligatoires par la législation islamique. Mais elles ont des bienfaits extrêmement importants. Parmi les bienfaits de la prière surérogatoire, c'est tout d'abord d'avoir à son actif un grand nombre de bonnes actions, un grand nombre de hasanat, Combien d'actes surérogatoires, que ce soit des prières, des jeûnes, des omars par exemple, ou autres, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs une récompense énorme. Ces prières surérogatoires sont également une forme de protection, une sorte de rempart qui permettent de préserver les actes obligatoires. Ainsi, celui qui a l'habitude d'accomplir ses prières surérogatoires, d'accomplir par exemple les prières ar-rawatib avant et après les prières obligatoires selon la nature de cette prière obligatoire, celui qui a l'habitude de prier la nuit, d'accomplir la prière nocturne, celui qui a l'habitude d'accomplir la prière de Duha, celui qui a l'habitude d'accomplir 2 unités de prière après avoir terminé ses ablutions, etc., etc. Ceci, toutes ces prières surérogatoires sont un rempart qui protège la prière obligatoire. Ainsi, un musulman qui est ainsi n'envisagera l'idée même de retarder une prière obligatoire de son heure ou de ne pas l'accomplir, ne traversera même pas son esprit, car il accomplit les prières surérogatoires. Et ceci est une forme de préservation de sa prière obligatoire. Et parmi les bénéfices des actions surérogatoires également, il y a le fait qu'elles viendront le jour du jugement combler le manque qui aura existé dans nos prières obligatoires. Que ce soit un manque au niveau de la concentration pour les prières, que ce soit un manque au niveau de at-tuma'nina ou tout autre manque, eh bien, le fait d'accomplir les prières surérogatoires permettra de combler ce manque le jour où l'on aura le plus besoin de le combler, à savoir le jour du jugement. Ceci concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose sur laquelle nous serons jugés concernant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la première chose sur laquelle nous serons jugés concernant les droits des gens entre eux, ce sera le sang. Ad-dima. Et cela inclut les crimes de sang, que ce soit le fait d'assassiner une personne, wal-iyadhu billah, ou de la blesser. Et la preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anh, rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Awwalu ma yuqda bayna an-nasi yawma al-qiyamati fi ad-dima » La première chose qui sera jugée entre les gens le jour du jugement, ce sera le sang, les crimes de sang. Ceci nous montre, ou ces deux hadiths nous montrent l'importance de la prière qui est le pilier central de la religion, qui est la meilleure et la plus importante des adorations pratiques, et cela nous montre la gravité de faire couler le sang d'une personne, qu'elle soit musulmane ou non, et que cela fait partie de la pire des offenses et la pire des injustices que l'on peut faire à l'égard d'un être humain. Et parce que la prière est ce qu'il y a de plus important parmi les adorations pratiques, et parce que le fait de verser ou de faire couler le sang d'autrui est une chose gravissime, eh bien ce sont ces deux choses qui seront jugées en priorité le jour du jugement. Le jour du jugement, le capital de chacun et chacune d'entre nous sera notre compte de bonnes actions. Et les bonnes actions que l'on aura à notre actif, ce sera le capital de chacun et de chacune d'entre nous. Et ce capital sera plus ou moins élevé en fonction des personnes et en fonction de ce qu'elles auront œuvré dans cette vie d'ici-bas. Et le fait d'avoir à son actif beaucoup de bonnes actions ne doit pas duper la personne, ne doit pas la duper, car il se peut que toutes ces hasanat partent et disparaissent et fondent comme neige au soleil. La preuve est le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du Muflis. Al-Muflis en arabe signifie le pauvre, le besogneux. Mais il a un sens plus subtil, à savoir que c'est celui qui a connu la richesse, puis est devenu pauvre. Pour cela que le terme le plus juste pour traduire Al-Muflis, c'est le ruiné, celui qui était auparavant riche et se retrouve pauvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné un jour ses compagnons en leur disant « Atadruna man al-Muflis ?» Savez-vous qui est le Muflis ?« Qalu al-Muflis fina man la dirham lahu wa la mata'a » Ils ont dit « Le Muflis parmi nous, ou envoyé d'Allah, est celui qui n'a en sa possession ni argent ni bien. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre « Inna al-muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah » Le ruiné parmi ma communauté est celui qui viendra le jour du jugement avec à son actif des prières, des jeûnes, des aumônes « Wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha » وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Mais il viendra le jour du jugement, alors que dans cette vie d'ici-bas, il aura insulté un tel, calomnié un tel, volé l'argent de l'autre, versé le sang d'un tel et en frappé un autre. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. On donnera à un tel de ses bonnes actions et à un tel de ses bonnes actions. C'est-à-dire qu'on donnera à ses victimes, on donnera aux victimes les bonnes actions des oppresseurs et des agresseurs. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ » Et si ses bonnes actions, ce capital de bonnes actions qu'il avait lorsqu'il est arrivé le jour du jugement, lorsque ces bonnes actions s'épuisent avant que le jugement et son jugement ne se terminent, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Si ces bonnes actions s'épuisent avant que son jugement ne se termine, alors on prendra des péchés de ses victimes et on les inscrira à son actif, à l'actif de l'oppresseur. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Puis il sera jeté en enfer. C'est le véritable ruiné, celui qui viendra le jour du jugement avec un grand nombre de bonnes actions à son actif. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَيَأْتِي بِحَسَنَاتٍ أمثال الجبال. Il viendra avec des bonnes actions comparables à des montagnes, mais parce qu'il aura été injuste, parce qu'il aura agressé autrui, soit de façon verbale, soit de façon physique, ou leur aura porté atteinte, soit dans leur honneur, soit dans leur bien ou autre, eh bien, il paiera toutes ses offenses au prix fort et dépensera et donnera ce qui sera le plus cher le jour du jugement, à savoir son capital de hasanat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint dans plusieurs hadiths de prendre garde à l'injustice. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdi aw shay » فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ Celui qui a porté préjudice à son frère, soit dans son honneur ou dans toute autre chose, qu'il se le fasse pardonner aujourd'hui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ Avant que ne vienne le jour où il n'y aura ni dinar ni dirham, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. Sinon, s'il ne se fait pas pardonner ses offenses, s'il a à son actif une bonne action, elle lui sera retirée proportionnellement au préjudice causé. بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Et s'il n'a pas de bonne action, il prendra à son actif les mauvaises actions de sa victime. Ainsi, celui qui a été injuste envers une personne ou qui lui a causé préjudice, que ce soit dans son honneur ou dans ses biens, qu'il se le fasse pardonner. Comment se le faire pardonner? S'il s'agit d'un bien qui a été volé ou spolié ou autre, eh bien la personne se doit de le rendre à son propriétaire. Si cela est possible, il doit restituer le bien à son propriétaire. Et les savants disent qu'il n'est pas obligatoire de le rendre soi-même, car cela peut être gênant de se rendre chez la personne à qui on a volé un bien ou autre, ou de l'argent, et de lui rendre. Cela peut être gênant. Ainsi, les savants disent que le bien doit lui être restitué, en utilisant une tierce personne, par exemple, en lui disant « Tiens ce bien et remets-le à telle personne et dis-lui que cela lui appartient et que cette chose lui a été volée ou lui a été spoliée ou autre auparavant et ainsi son bien lui est restitué. » Également, lorsque cela concerne l'honneur d'une personne, une personne qui a parler en mal sur une autre, doit, dans la mesure du possible, lui demander le pardon. Et les savants disent que pour lui demander le pardon, la personne n'est pas obligée de donner les détails, n'est pas obligée de dire les mauvaises choses, car cela pourrait et peut attiser la haine, par exemple, ou cela peut attiser les tensions qu'il y a entre deux personnes. Ainsi, le fait de lui dire « J'ai parlé en mal de toi et je te demande de me pardonner », cela suffit. Si la personne lui pardonne, cela suffit sans entrer dans les détails. Et concernant les biens, si la victime d'un vol ou autre ne peut plus être retrouvée ou si la personne n'a plus moyen de rentrer en contact avec elle pour lui restituer sont dus, alors dans ce cas, il lui est autorisé et il doit le donner en aumône et l'offrir à des personnes qui en ont la nécessité afin de se dégager de cette responsabilité. Et dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde une autre fois contre l'injustice. En nous disant, sallallahu alayhi wa sallam, « Ittaqu al-zulm, fa inna al-zulm zulumatun yawm al-qiyamah. » Redoutez, craignez, préservez-vous de l'injustice, car l'injustice sera ténèbre le jour du jugement. Et l'injustice est de deux sortes. Il y a l'injustice qui concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la pire des injustices. Et la plus gravissime et la plus grande injustice à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été questionné, quel est le plus immense des péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, de prendre avec Allah une divinité alors que c'est lui qui t'a créé. Le polythéisme, al-shirk, est donc le pire des péchés et la plus grande des injustices. La deuxième forme d'injustice est celle qui concerne les droits des serviteurs. Et l'injustice concernant les droits des serviteurs tourne autour de trois axes que nous a définis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le discours d'adieu qu'il a prononcée sallallahu alayhi wa sallam lors de son pèlerinage. Lorsqu'il s'est adressé à ses compagnons radiyallahu anhum en disant « Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vos sangs, vos biens et vos honneurs sont sacrés comme la sacralité de ce jour-ci, qui était le jour de Arafat, dans ce mois-ci, qui est le mois sacré de Dhul-Hijjah, dans cette ville qui est la ville sacrée de la Mecque. » Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce discours, nous montre les trois axes qui tournent autour de l'injustice concernant les droits des serviteurs. D'être injuste avec eux ou d'être injuste à leur égard en s'en prenant à leur sang, à leur bien et à leur honneur. L'injustice concernant les personnes, le fait de verser leur sang ou de les blesser, d'être injuste envers sa propre personne, en se suicidant par exemple, cela fait partie de l'injustice concernant le sang. L'injustice concernant les biens, comme le fait de ne pas s'acquitter de la zakat par exemple, c'est une injustice que tu commets à l'égard de tes propres biens, ou bien d'avoir des ressources ou des sources de revenus interdites, ou de priver une personne de ses biens, ou de voler les biens d'autrui, de ne pas rendre des biens empruntés, etc. etc. Quant à l'injustice concernant l'honneur, il y a le fait de calomnier une personne, le fait de faire la fornication avec une personne, c'est également une atteinte à son honneur, wal'iyadhu billah, la médisance, le colportage, tout ce qui nuit à la réputation et à l'honneur d'une personne. Nous devons donner une grande importance à ces choses citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en aucun cas d'être injuste avec qui que ce soit dans cette vie d'ici-bas, car cela aura des répercussions dévastatrices pour la personne le jour du jugement. Quant au jour du jugement, ce jugement entre les serviteurs est régi par des règles. La première de ces règles est tout d'abord la totale justice. La règle première le jour du jugement, c'est la justice totale. À savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera ses serviteurs le jour du jugement et il les rétribuera de la façon la plus complète et ils ne sauront en rien léser. Ne serait-ce une chose ayant le poids d'un grain de moutarde ou d'une petite fourmi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste, si bien que nul ne sera lésé, et tout sera pris en compte, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Et le terme « dharra » dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs significations. Cela peut signifier la petite fourmi, cela peut signifier le grain de moutarde, cela peut signifier un grain de poussière. Cela a le sens d'une chose insignifiante et extrêmement petite. Il dit subhanahu wa ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab. Aujourd'hui, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura accompli. Point d'injustice aujourd'hui. Et dans l'autre verset, Allah azza wa jalla dit inna Allaha la yadhlimu mithqala dharrah. Allah ne lèse personne, ne serait-ce le poids d'une fourmi. Et Allah subhanahu wa ta'ala Dans d'autres versets, nous montre à quel point la justice sera complète et parfaite le jour du jugement et à quel point personne, absolument personne, ne sera lésé et l'injustice n'aura aucune place le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا » Et dans un autre verset de Sourate An-Nisa, « وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا » Ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. « وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا » Al-Fatil, lorsque l'on prend un noyau de date, il y a trois choses qui ont été citées dans le Coran. Tout d'abord, Al-Qitmir. Al-Qitmir qui est la pellicule qui enveloppe le noyau de date. Et ceci, subhanallah, et c'est le cas pour tous les noyaux, quelle que soit la sorte de date. Quelle que soit la date que vous prenez, il y a tout d'abord autour du noyau Al-Qitmir. C'est cette pellicule fine qui recouvre la totalité du noyau. Et c'est ce à quoi fait allusion Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des polythéistes qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Donc Al-Qitmir, c'est l'enveloppe, la pellicule qui enveloppe le noyau de date. Concernant l'injustice, Allah Azza wa Jal dit « وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا » Ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Al-Fatil, c'est cette pellicule qu'il y a sur la raie du noyau de date. Lorsque vous prenez un noyau de date, il y a le dos du noyau de date et le dessous du noyau de date. Et dans le dessous du noyau de date, il y a une raie qui parcourt le noyau de date. Et à l'intérieur de cette raie, il y a une sorte de pellicule qui se retire. Et ça fait comme un filet. Et c'est ce qui est appelé Al-Fatil. Donc Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, personne ne sera lésé, ne serait-ce ou fût-ce d'un brin de noyau qui, à la base, est insignifiant. Il n'a pas de valeur, n'a quasiment pas de valeur. Un noyau de date n'a quasiment pas de valeur. Que dire de la pellicule qui le recouvre? Que dire de cette pellicule qui recouvre cette raie? Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal va même plus loin en disant « وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا » وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ils ne seront point lésés, fût-ce du il, H-I-L-E. Al-Naqir, lorsque vous prenez le noyau de date, le dessus, le dos du noyau de date, au milieu, vous verrez un point. C'est ce point-là s'appelle Al-Naqir. C'est de là notamment que la date est alimentée. Lorsque vous prenez un noyau de date et que vous le mettez à germer, vous verrez le germe sortir de ce trou et de ce point appelé An-Naqir. Autrement dit, des choses insignifiantes qui n'ont aucune valeur, eh bien, la personne ne sera pas lésée, fût-ce d'une chose étant aussi insignifiante que An-Naqir ou que Al-Fatil. Parmi les règles qui régiront le jour du jugement, c'est que toute chose jugée est consignée et comptabilisée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ » Alors que veillent sur vous de nobles anges qui consignent vos actes et qui savent tout ce que vous faites. Les anges savent tout ce que l'on fait. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des anges? Et il dit subhanahu wa ta'ala, « وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. On déposera le registre, c'est-à-dire des actes de chacun, dans sa main. Et on verra ceux qui se rendaient coupables, effrayés par son contenu, effrayés par le contenu de ces registres. Et ils diront, « Malheur à nous, Ya waylatana. Qu'a donc ce livre ? À nos maîtres et à n'oublier aucun péché, qu'il soit petit ou grand, sans le mentionner. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, « Tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé. » Tout ce qu'ils auront accompli leur sera exposé. Ton Seigneur ne lèse personne. Parmi les règles qui régiront le jour du jugement, le fait que personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne ne sera blâmé pour le péché d'autrui. Celui qui est égaré, eh bien, il subira les conséquences de son égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dans les versets 13 à 15 de Sourate Al-Isra, Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets « Nous avons soumis à chaque homme, nous avons soumis chaque homme à son sort. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons le livre de ses œuvres qu'il trouvera déployé devant lui. Il lui sera dit, lis ton livre. Tu suffis aujourd'hui pour comptable de tes actes. Quiconque suit le droit chemin, il le fait dans son propre intérêt. Quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Personne ne portera le fardeau d'autrui. » Et cette règle est une règle qui était présente dans les législations qui nous ont précédées. C'est une règle qui fait l'unanimité. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Najm, « Alam am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa an la taziru wa ziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. N'a-t-il pas été informé, en parlant de l'injuste, de ce que contenaient les pages du livre de Moïse et celles du livre d'Ibrahim, qui respecta formellement les ordres de son Seigneur? Quelles sont? Que contenaient ces pages? Que contenaient ces livres? Personne ne portera le fardeau d'autrui. L'homme n'obtient que les fruits de ses efforts qui lui seront présentés au jour du jugement et il sera ensuite pleinement rétribué. Cela, bien sûr, ne concerne pas celui qui appelle à un égarement et qui est la cause de l'égarement d'autrui. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا يَحْمِلُنَّ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, afin qu'au jour de la résurrection, ils portent l'intégralité des fardeaux de leurs péchés, ainsi qu'une partie des fardeaux des gens qu'ils égarent. Ainsi, celui qui appelle les gens à un égarement, ou celui qui les appelle à accomplir un mal, ou leur trace la voie pour l'accomplir, ou est une cause de l'égarement, ou du fait que les gens commettent un mal, eh bien, il portera le fardeau d'une partie de leur péché, sans que leur péché à eux ne soit diminué. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, où il dit alayhi salatu wa sallam, entre autres, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui appelle à un égarement, il aura le même péché que celui qui l'aura suivi, sans que leur péché ne soit diminué en rien. Et ceci nous montre, entre autres, le danger de la notoriété. Le danger de la notoriété pour celui qui n'est pas sur le droit chemin, celui qui appelle à l'égarement, celui qui appelle à la désobéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle à l'innovation, celui qui appelle à la débauche, celui qui incite les gens à transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et à lui désobéir de quelque façon que ce soit, plus il aura de suiveurs et plus il portera le fardeau de leur péché, wal'iyadu billah. Plus ses comptes dans les réseaux sociaux seront garnis de suiveurs et plus il accumulera, wal'iyadu billah, de mauvaises actions. Et de façon générale, inshallah ta'ala, on fera une conférence sur la notoriété et son jugement en islam et la position de nos pieux prédécesseurs face à la notoriété. Cette notoriété derrière laquelle courent beaucoup d'êtres humains à notre époque, wal'iyadu billah. Ce que fuyaient nos pieux prédécesseurs, les gens accourent derrière cette chose à notre époque. La notoriété est dévastatrice. Elle détruit la relation entre une personne et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Elle détruit la sincérité. Et elle fait, la personne qui court derrière la notoriété devient esclave de cette vie d'ici-bas, wal'iyadu billah. C'est un sujet vaste dans lequel il y a beaucoup de choses à dire et qui mérite d'être traité de façon distincte et particulière. Parmi les règles qui régiront également le jour du jugement, il y a la multiplication des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala multipliera les bonnes actions par 10, voire par 700, voire plus encore. Et ceci de par sa bonté et sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, « Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man jaa bil sayyati fala yujaza illa mithlaha, wa hum la yuzlamun. » Quiconque se présentera avec une bonne action en recevra la récompense au décuple, tandis que celui qui se présentera avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent et ils ne seront point lésés. Et dans le hadith Qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur qu'il a dit « Inna Allaha kataba al-hasanati wa al-sayyi'at » Allah a inscrit les bonnes actions et les mauvaises. « Thumma bayyana dhalik » Puis a détaillé cela. « Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila » Celui qui a l'intention ou s'apprête à accomplir une bonne action mais ne le fait pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme une bonne action complète. فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. Et si il a l'intention ou s'apprête à accomplir une bonne œuvre, une bonne action, puis il accomplit, alors Allah la lui inscrit, multipliée par 10, jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus encore. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كتبها الله له عنده حسنة كاملة. Et celui qui a l'intention ou s'apprête à commettre une mauvaise action mais ne la commet pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme une bonne action complète. فإن هو هم بها فعاملها كتبها الله له سيئة واحدة. Et s'il a l'intention ou s'apprête à accomplir une mauvaise action, puis la commet, alors Allah la lui inscrit comme une seule mauvaise action. Et il y a des actes rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lesquels les bonnes actions sont multipliées, comme la lecture du Coran dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit, man qara'a harfa min kitabillah, celui qui lit une lettre du livre d'Allah, alors il aura « falahu bihi hasana », il aura pour chaque lettre une bonne action. « Wal hasanatu bi'ashri amthaliha », et la bonne action est multipliée par 10. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille sa parole en donnant un exemple afin que chacun et chacune comprenne la portée de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. « La aqulu alif lam mim harf » ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Et je ne dis pas que ألف لام ميم est une lettre, mais ألف est une lettre, لام est une lettre et ميم est une lettre. Ainsi, en disant ألف لام ميم, en récitant ألف لام ميم, le musulman a 30 حسنات, 10 حسنات pour chaque lettre. Il en est de même pour les aumônes, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a dit « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. En sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épis. Contenant chacun 100 grains, Allah multiplie, c'est-à-dire sa récompense, à qui il veut. Allah est immense et omniscient. » De même pour le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, que vous connaissez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu amal ibn Adama yudha'af. » Chaque action, chaque bonne action du fils d'Adam est multipliée. Al hasanatu ashru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'f. La bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700. Puis Allah Azza wa Jal dit, قال الله عز وجل, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, illa sawm, sauf le jeûne. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui le rétribue. Il délaisse ses passions et sa nourriture pour moi. Le jeûneur connaîtra deux joies. La première joie lors de la rupture de son jeûne et l'autre joie lors de la rencontre de son Seigneur. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine le hadith en disant « Et l'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. » Également, la patience, l'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. » Ceux qui patientent, c'est-à-dire dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, obtiendront leur pleine récompense sans commune mesure. Il y a donc des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue et pour lesquelles Allah azza wa jal récompense et multiplie la récompense par un multiple qui n'est connu que de lui subhanahu wa ta'ala. On continuera inshallah ta'ala le reste des règles qui régissent ce jour du jugement.